c'est vous qui me faites rire maintenant. Hein. Bonjour, monsieur le tailleur. C'est moi que je suis venu il y a 2 jours chercher mon costume. Vous vous souvenez de moi? Je reviens vous voir aujourd'hui parce qu'il y a les copains. Ils m'ont dit, ton nouveau costard, c'est pas qu'il te va mal, il te va même bien. Seulement là, il y aurait comme un défaut, ça nous étonnerait pas. Entrez dans, mon cher ami. Eh bien, on peut dire que je vous ai fait un beau costume à vous, hein. Et puis du beau tissu. Vous avez vu ça? Tâtez-moi ça. Qu'est-ce que c'est comme tissu, ça? C'est du nylon éponge. Il pleut, ça absorbe tout. Vous êtes content du tissu, hein? Ça, le tissu, je suis content. C'est parce que les copains, ils m'ont dit, ton costume, en regardant bien, en regardant bien. Là, il y a comme un défaut. Et la doublure? Vous avez vu cette doublure, la même que la mienne? C'est du crêpe de Chine. Mélangé avec la satinette de Maubeuge. Et le crêpe de Chine, faut payer le voyage. Vous n'êtes pas content de la doublure? Si, le tissu, tous les boutons, tout est pas... C'est marcé les copains. C'est ce que c'est quand t'as un nouveau costume, tourne-toi, tout, viens, tourne... Le dos est pas tard, mais là, il y a comme un défaut. Il n'y a pas de défaut, monsieur. J'ai jamais fait un défaut à un costume, moi, monsieur. Je connais mon métier, moi, je suis tailleur. Ça fait 25 ans que je suis au carreau du temple, monsieur. J'ai jamais remboursé un costume, monsieur. Jamais. Et j'en rembourserai jamais. Vous voulez que je vous dise ce que c'est, ça, monsieur? C'est la coupe Melba. Au début, ça surprend, puis après, on s'y fait. Vous vous tenez mal, monsieur. Voilà la vérité exacte. Vous vous tenez mal, monsieur. Vous tenez comme un gardien. Vous êtes là. Vous êtes un homme, que diable, approchez-vous. Regardez-vous devant la glace. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est là que ça dépagueule. Je vous arrange ça. Moi. Vous êtes avachi. Relevez-vous. Relevez les épaules, là. Surtout la gauche. Un peu plus. Là, un quart de poids. Encore un peu plus. Voyez? Tout de suite, quand vous avez relevé l'épaule. Oh, j'en reviens pas. C'est vrai, enlevant l'épaule. Ah oui, mais alors, à droite. Là. Le défaut de gauche, il a été à droite. C'est parce que vous vous tenez mal. Bougez pas l'épaule gauche. La droite, ramenez-la. Là, sans bouger l'épaule, là. Vous voyez, tout de suite. Oui, mais alors la veste, là, elle part en... Elle part en brioche, là, vous voyez. Là. C'est pas équidistant, ni équilatéral. Je m'en fous de pas équidistant. L'ange droite, relevez-la. Faites ce que je vous dis, je connais mon métier, non? Alors, là, bougez pas les épaules. Là, écrasez-vous sur l'ange. Là. Il tombe pas bien, ce costume? Où c'est que vous voyez un défaut, là-dedans, vous? Ça faut reconnaître que si je me tiens comme ça, tout en mieux. Vous dites ça avec une telle autorité. Et puis le fait est que si je me tiens comme ça, tout en mieux. Je suis navré de vous avoir dérangé, monsieur le tailleur. Je me tiendrai toujours comme ça. Voilà. Excusez-moi. Au revoir, monsieur le tailleur. Je suis en train de penser. Les gens, quand ils vont me voir passer dans la rue, on va dire, celui-là, moi, il a la chance d'avoir trouvé un bon tailleur. Réussir un si beau costume sur un gars aussi mal foutu.